En apprenant et en appliquant diverses techniques, vous pouvez travailler efficacement sur votre propre système énergétique, libérer les blocages et favoriser votre propre guérison et votre bien-être. S'engager dans des pratiques d'auto-guérison régulière est un moyen fantastique de vous nourrir, de maintenir un équilibre énergétique et d'approfondir votre connexion avec votre propre sagesse intérieure et votre intuition. 4. Combien de temps faut-il pour devenir compétent en soins énergétiques? Le temps nécessaire pour maîtriser la guérison énergétique peut varier en fonction de divers facteurs, notamment votre dévouement, votre pratique et vos capacités naturelles. Certaines personnes peuvent éprouver une affinité naturelle pour la guérison énergétique et développer rapidement leurs compétences, tandis que d'autres peuvent nécessiter plus de temps et de pratique. Il est important d'aborder la guérison énergétique comme un voyage d'apprentissage tout au long de la vie, en élargissant continuellement vos connaissances, en affinant vos techniques et en approfondissant votre connexion avec les énergies subtiles. N'oubliez pas que la maîtrise de la guérison énergétique est un processus continu de croissance et d'exploration. Page 16, nous allons voir comment pratiquer la respiration profonde. Page 16.